Chapitre 20e. Ce fut une véritable joie pour Adolphe de voir les dispositions et les sentiments de sa femme envers Erol changer du tout au tout. Décidément, c'était une brave petite femme, et malgré la fermeté de son caractère et sa résolution sur certaines choses, on pouvait très bien lui faire faire ce qu'on voulait. Il n'y avait qu'à savoir la prendre. Si on ne la choquait pas, si on s'adressait à sa raison, si on parlait à son cœur, on l'amenait assez facilement à céder. Quel malheur que sa mère n'eût point procédé avec ses ménagements. Si elle avait pris le chemin qu'il avait su trouver lui, combien leur intérieur eût été plus agréable. Ce changement n'était pas le seul, d'ailleurs, qui le rendit heureux. En même temps que Juliette modifiait son attitude vis-à-vis d'Erol, elle perdait cet air mélancolique et ennuyé qu'il lui avait si souvent reproché. Elle se montrait gaie, rieuse, et au lieu de l'indifférence habituelle qu'on voyait toujours en elle, on trouvait maintenant de l'entrain. Elle prenait plaisir à tout, même à ce qui naguère lui déplaisait, les promenades en bateau, les longues courses à pied. D'un autre côté, elle était retournée à la peinture, et après plusieurs années d'un abandon complet, elle avait repris ses brosses. Ce n'était pas encore un tableau comme Adolphe eût aimé à lui en voir entreprendre un qui l'occupait, un bon sujet dramatique ou anecdotique, mais enfin c'était quelque chose, et du portrait de Black, le chien de Terre-Neuve qu'elle faisait pour son fils, elle passerait un de ses jours à la vraie peinture. Il aurait le plaisir de voir le nom de sa femme dans un livret, non plus sous son ancienne forme, Juliette Nélis, mais sous sa nouvelle, Madame Juliette d'Alifard. Et cette pensée flattait son amour-propre. Sans doute il ne voulait pas que sa femme travaillât sérieusement et vendît ses tableaux. Elle n'avait pas besoin de cela. Mais il serait fier qu'elle eût quelques succès honorables. Pas de tapage, pas de gloire non plus, mais de la discrétion et de la considération. Au reste, ce sentiment de vanité, qui chez lui était extrêmement vif, trouvait des satisfactions sans cesse renaissantes avec Erol. Bien que paysan, Erol était d'une maladresse invraisemblable en affaires. Il tenait à vendre ses tableaux à un prix élevé, parce que ce prix était, jusqu'à un certain point, la consécration de son talent. C'était une reconnaissance de sa valeur et de son rang. Mais une fois ce prix fixé, il ne s'occupait plus de le faire payer et se laissait exploiter par les marchands de tableaux. Entre le prix convenu et la somme reçue, il y avait souvent un écart considérable. Adolphe avait voulu mettre son expérience commerciale au service de son nouvel ami et il avait montré tant d'empressement à se charger du règlement d'une affaire litigieuse avec un marchand de tableaux qu'il avait été impossible de refuser son concours. Par là, il s'était trouvé mêlé plus étroitement à la vie d'Erol, et cette intervention lui avait donné une sorte de supériorité sur le peintre. « Mon Dieu, mon cher, disait-il, que vous êtes naïf en affaires. » Le peintre riait, et Adolphe se redressait. Rien ne pouvait lui être plus agréable que cette protection, car le propre de sa nature, c'était la personnalité. Il voulait qu'on compte avec lui et qu'on eût besoin de ses services. Ceux qui l'obligeaient étaient ses amis, et il s'ingéniait à trouver des occasions de leur être utile. Ces occasions trouvées, il était reconnaissant à ses débiteurs de lui avoir fourni le moyen de prouver qu'il jouait un rôle dans le monde. Il ne demandait pas de gratitude, il ne demandait même pas qu'on parût heureux de ce qu'il avait fait, il demandait seulement qu'on lui permît de faire. C'était ainsi qu'il se rattrapait de la dépendance dans laquelle sa mère l'avait toujours tenu. Pour lui, ce fut un grand triomphe de pouvoir rendre service au peintre, et par cela seul, celui-ci lui en devint de plus en plus sympathique. « Quel brave garçon que Francis !» disait-il souvent à sa femme et à sa mère, « mais quel maladroit ! Combien il aurait eu besoin d'avoir auprès de lui quelqu'un d'entendu ! Sans moi, je suis certain qu'il aurait perdu plus de 30 000 francs avec son marchand de tableaux. Je ne veux pas que dorénavant, il fasse une seule affaire sans me consulter. » Madame d'Alifard elle-même, ordinairement peu facile à séduire, s'était laissée prendre de sympathie pour le peintre. Il était attentif avec elle et respectueux. Il l'écoutait, il la croyait. Il admirait son intelligence et sa volonté. Sans faire attention que le jugement du peintre appliqué aux affaires d'argent et de commerce n'avait pas une grande valeur, elle était flattée de cette admiration chez un homme de talent et en même temps, elle était fière que cet homme de talent se laissât conduire par son fils. Elle aussi, et à un plus haut degré que personne, avaient l'orgueil de la protection et de la supériorité. Ainsi, tout se réunissait pour Carole fut l'amie de la maison. Belle-mère, mari, femme, chacun avait ses raisons particulières pour être heureux de sa présence. En peu de temps, il devint le pivot sur lequel tout roulait, et s'il restait 2 jours sans venir à nos gens, Adolphe et Madame d'Alifard se fâchaient contre lui. « Que fait donc Francis ?» demandait Adolphe. « On ne voit pas Francis. »« Monsieur Harold devient indépendant, » disait Madame d'Alifard. Or, devenir indépendant était pour Madame d'Alifard le plus grand des crimes. Quand on avait l'honneur d'être de ses amis, on n'avait pas le droit d'aller ailleurs que chez elle. Mais Harold ne devenait pas indépendant. Il avait été retenu par une cause quelconque, il donnait son explication et on lui pardonnait. Une seule fois, Madame d'Alifard faillit se fâcher sérieusement avec lui. « On ne vous a pas vu hier, » dit-elle avec ce ton cassant qui donnait à ses paroles une valeur qu'elle n'avait pas par elle-même. « Je n'ai pas pu. J'avais invité 2 amis pour vous mettre en relation avec eux, des gens considérables, bons à connaître pour un artiste. J'ai été obligé de partir à la chasse des billets de banque. Vous avez eu besoin d'argent et vous ne vous êtes point adressé à moi ?» s'écria Madame d'Alifard. « Nous prenez-vous pour des marchands d'argent qui font payer les services qu'ils rendent ?»« J'ai demandé ce qui m'était dû. » »« Nous ne devons pas demander ce qui nous est dû. Quand on a un paiement à faire et qu'on a des amis, on s'adresse à ses amis. Vous savez bien que si vous aviez besoin de 500 000 francs, vous n'aviez qu'à me les demander. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Errol dut faire des excuses sérieuses, et encore, Madame d'Alifard lui en voulut-elle pendant plusieurs jours. « Comprends-tu cet artiste, dit-elle à son fils, qui a besoin d'argent et qui ne s'adresse pas à nous, à moi, pour une grosse somme, à toi, pour une petite? Cette fierté est bête. » « Il n'y aura pas pensé, répliqua Adolphe, qui n'était pas moins fâché que sa mère, mais qui tenait cependant à défendre son ami, même quand celui-ci avait tort. « C'est là, précisément, ce que je lui reproche. Ce n'est pas d'un homme intelligent. Il devait savoir qu'il n'avait pas de refus à tendre de nous, et qu'un homme dans sa position, nous prêterions tout ce qu'il nous demanderait. Il n'a pas voulu demander, voilà la vérité. Je dis que cette fierté est bête, mais il y a longtemps que je sais que les artistes sont des monstres d'orgueil. » Ces mots furent lancés du côté de Juliette, qui, dans un coin du salon, jouait avec son fils, et qui, depuis qu'il était question des rôles, faisait rouler avec frénésie un petit chemin de fer circulaire dont le bruit couvrait la conversation de sa belle-mère et de son mari. Entendit-elle cet axiome formulé à son adresse ou ne l'entendit-elle pas? Toujours est-il qu'elle n'y répondit pas. De toutes les personnes qui venaient habituellement chez Madame d'Alifard, il n'y en avait que 2 qui fussent restés en dehors de l'influence exercée par le peintre. L'un était Madame de Lavranche, l'autre était le vieux Monsieur Descloiseaux. Mais, tandis que Madame de Lavranche manifestait ouvertement son hostilité, Descloiseaux la cachait avec le plus grand soin. Toutes les fois que Madame de Lavranche se trouvait avec le peintre, elle le poursuivait de ses taquineries et de ses railleries, et elle ne manquait pas les occasions de lui être désagréable d'une façon quelconque. M. Descloiseaux, au contraire, l'accablait de son amitié démonstrative, et en sa présence comme en son absence, il parlait de lui dans les termes les plus chaleureux. Plus sensible à la flatterie, Errol eût pu croire qu'il avait dans le vieux beau un admirateur fanatique et un ami dévoué. C'était, à chaque instant et à propos de tout, des démonstrations nouvelles. À table, c'était à Errol que M. Descloiseaux s'adressait, et il avait une façon d'établir avec lui des apartés qui disait clairement aux autres convives « Vous voyez comment nous nous entendons, nous autres gens supérieurs. » Puis, dans les jardins ou dans le salon, il tâchait de l'accaparer, et alors c'était des compliments sans fin sur son talent, sur son esprit, sur sa personne, sur tout et à propos de tout. Puis, des compliments, il arrivait tout naturellement aux épanchements intimes, et plus ou moins adroitement, il provoquait les confidences du peintre. Lui aussi avait été jeune et beau garçon. Par malheur, il n'avait pas eu le prestige que prête le talent. Quelle influence sur les femmes donne la gloire. Mais Errol n'avait jamais mordu à ses hameçons, et il s'était toujours tenu avec M. Descloiseaux dans une réserve convenable. Il le traitait en vieil ami de la maison, voilà tout. Bien souvent, s'il ne lui avait pas tourné le dos, ça avait été par respect pour Madame d'Alifard et aussi un peu par prudence. Pendant ce temps, et chacun de son côté, les deux associés avaient continué leurs observations. Avec Carole, elles étaient assez faciles, car, par son caractère, il donnait prise à des remarques significatives. Par beaucoup de côtés, le peintre se rapprochait de l'homme primitif. Il n'avait point vécu dans le monde où tout ce qu'il y a d'original en nous s'use et s'efface au contact de la médiocrité, et pour bien des choses, il était resté tel que la nature l'avait créé. Il ne savait commander ni à ses yeux, ni à ses lèvres, ni à ses mains. Dans un mouvement de colère, ses lèvres se contractaient comme pour mordre. Étonné, il levait les mains en l'air. Mécontent, il détournait la tête. Heureux, il laissait ses yeux s'allumer. Par là, il se trahissait souvent, surtout pour les regards curieux qu'il étudiait sans cesse. Mais cette observation, un peu superficielle, ne conduisait pas à un résultat précis. Il aimait Juliette, cela était certain. Mais cette conclusion n'était pas suffisante. Il fallait savoir à quel point ils en étaient dans leur amour. Et cela était plus difficile, car ils ne commettaient ni l'un ni l'autre ces imprudences qui perdent ordinairement les amants. Heureuse de voir sans cesse près d'elle celui qu'elle aimait, Juliette s'abandonnait librement à son bonheur, et elle ne prenait pas la peine de cacher la joie qu'elle éprouvait à se trouver avec Carole. Quant à lui, heureux de son amour, il ne demandait pas plus que ce qu'on lui donnait, et un long regard, un serrement de main, un mot de tendresse, un baiser quand ils étaient seuls, lui causaient une joie dans laquelle il se délectait. Pourquoi de l'impatience? Pourquoi s'exposer à perdre ce qu'il avait? Pourquoi ne pas attendre dans cet enivrement si doux? Cette situation n'était pas faite pour servir les desseins des deux complices. Cependant, il arriva un incident qui leur permit enfin de mettre leur plan à exécution et d'agir conformément aux impulsions de leur haine et de leur jalousie.